Le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des études jetées ont publié le 4 une déclaration conjointe contre les propos de la bande de Bakouné lancée pour détourner sur le Nord les critiques de divers milieux sud-coréens et du monde entier contre la disposition du SAD.